couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB plus pour votre demi-heure avec les artistes de la région, on est déjà mort de rire, et de la grande région. Coucou si vous nous écoutez à Strasbourg, à Reims, en passant par vos couleurs, c'est en Meuse. Et je suis très content et ravi de recevoir pour une troisième fois... Je vais arrêter de faire, c'est lui qui fait ça toute l'émission, c'est insupportable. Le groupe de métal, ils nous viennent de Metz, pas de bol pour eux, mais on les accueille quand même. Nous sommes avec les Coming Wolves. Bonjour. Bonjour. C'est le truc qui casse le truc. Salut à tous. Salut, c'est bas. Salut les amis. Salut les amis. Salut les petits potes, c'est Michou. Nous sommes avec, Jimmy. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour. Jimmy. Qui est au lead vocal. Oui, c'est moi. À la basse. Oui, de temps à autre. De temps à autre, une basse. Quand l'envie me prend. Électrique de son aide. Soyons précis. Alors pour être précis, je suis donc le chanteur effectif du groupe, donc tout le temps, et je suis le bassiste, mais uniquement en studio et en termes de composition, c'est-à-dire qu'en live, il y a pas de basse en live, elle est jouée par elle est jouée par moi-même et qui est envoyée en termes de en séquence, quoi, voilà, en backing track. T'es un branleur, quoi. Non, au contraire. Parce que justement, le fait, quand j'avais la basse et le chant en même temps, j'étais un branleur parce que je bougeais pas beaucoup sur scène. Donc j'avais envie de bouger un peu. Ouais, là, je saute un peu partout. Il bouge un petit peu. C'est intéressant, j'ai jamais vu ça. Voilà, bon, bah super, quoi. Merci beaucoup. Enfin, le bassiste, il sert à rien, c'est. Le bassiste. Et encore, on n'a pas parlé du batteur qui n'est pas là. On t'a lui. Avec nous, qui s'appelle Aixlou. Faut le dire correctement. Et nous sommes avec Alan. Oui. Oui, bonjour Alan. Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour, ça va Alan? Ça va. Alors, ouais. Ça s'est bien passé ce week-end? Ah bah, ce week-end, ça a été très très bien. Le coulis est bien passé. Le coulis. Beaucoup de private jokes, chers auditeurs. Mais après, quand on reçoit les invités au bout d'un moment, plusieurs fois, on commence à... être à l'aise. Allez. Bien sûr, oui, effectivement. J'adorais comment ta voix a glissé en mode « commence à être un peu à l'aise ». Un petit peu à l'aise. Donc, Alan, tu es lead guitar. C'est donc, solo. Guitare solo, oui. Principale. Yes, of course. Of course. Yes, for sure. And for sure. Et tu fais aussi les backup vocals. C'est et ça, ouais. T'es celui qui backup. C'est ça, ouais. Backup toujours derrière, tu vois. Ouais, tu t'as vu mon clin d'œil ou pas? Ouais, derrière, parce que voilà. Lui, il est là en lead et tout, en lead vocal, mais derrière. Ouais, après, faut assurer, quoi, tu vois. Il y a l'effet ghetto et tout, tu vois, quand on est en gang et tout, c'est. En bande organisée. C'est d'art. Surtout avec ces voix-là, tu vois. Ça fait tellement peur. Et j'ai même envie de dire, attention, en bande organisée, mais en pack organisé. Parce qu'on parle d'une pack. Wolf pack. Ouais, wolf pack. Très beau, très beau. Coming Wolves, les loups venants. Anglais. Bravo! Applaudissements dans la salle! Bravo! Coming Wolves, donc ça fait un moment que vous êtes là et vous êtes venu pour nous présenter votre album. C'est le troisième projet? Deuxième projet. Quatrième projet, deuxième album. Voilà, deuxième album. Bah voilà, donc j'étais pas dedans non plus. Donc, ouais. Entre les deux, ouais. Faudrait un bruit. J'aimerais bien. Faudrait que je travaille avec des trucs comme ça, ça serait rigolo. Donc cet album s'appelle Death to the Road. To the Rotten. Rotten. Rotten, s'il te plaît, comme Johnny. Comme Johnny Rotten. Comme Johnny Rotten. C'est vrai en plus. C'est vrai? C'est qui? Non mais attends, alors, on va reprendre les choses là calmement. Allez vas-y, je vous laisse. Des Sex Pistols quand même mon ami. Mais Johnny oui. Rotten. C'est un peu la base de la musique. Oui, bah écoute. Radio Fadjet. Nous avons un incompétent sur le Fadjet Couleur Locale. Alors nous allons soit parler du livre de Coming Wolves qui est sorti il y a deux semaines aux éditions La Brousse. La Brousse. Donc Death to the Rotten, c'est vraiment un clin d'œil aux Sex Pistols. Alors c'est pas un clin d'œil, c'est en fait le Johnny Rotten, comme je suis un grand fan des Sex Pistols, et on avait une forte envie entre guillemets de dénoncer beaucoup de choses qui nous travaillent énormément au quotidien. Ouais. Et en fait de fil en aiguille, j'ai repensé, c'est vrai, aux Sex Pistols, Johnny Rotten, son histoire, l'histoire des Sex Pistols, et je me dis tiens, ça pourrait être un beau clin d'œil. Ok, donc les morceaux de cet album-là, ils ont un rapport de près ou de loin à cette histoire-là, ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas Douce to the Rotten, on va dire le titre phare, mais après il n'y a pas d'histoire qui font de référence aux Sex Pistols ou rien du tout. C'est vraiment un clin d'œil pour le nom de l'album. Ouais, voilà. Et le nom du morceau a donné le nom de l'album. Okay, on avait super. Le morceau avant. Ouais. Oui, souvent ça se fait un peu comme ça. C'est ça. Ok, très bien. Donc, Coming Wolves. Vous êtes sur Facebook, sur Instagram. Sur TikTok. Sur TikTok, sur Tinder. Ah, on sait pas. J'ai oublié de désactiver sur OnlyFans aussi. Ah, certain. Sur OnlyFans, voilà. Vous voulez des photos de pieds de loup. Attention. Attention. Ne parlons pas des pieds. Attention. S'il vous plaît. Une adresse pour le booking, on peut la donner? Oui, tout à fait. C'est l'adresse mail du groupe comingwolves@hotmail.com. Ah, c'est ça. Il y a encore des gens qui ont des adresses en Hotmail. Moi, ça me. Le mec est hot. Ah, ça, dit, ça aurait pu être Lycos ou Wanadu. Donc, voilà. Et on s'est dit, on va peut-être un petit peu pimper le truc. On va mettre Hotmail, c'est ça. On est crédible. Voilà. Et du coup, Death to the Road est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify. Toutes. Toutes. Deezer, Spotify, Apple Music. Ouais. Pas SoundCloud. Pas SoundCloud. Pas ouais. Encore. Mais not sinon, Bandcamp, okay. Apple Music, Amazon Music, iHeart Radio. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, il y a iHeart Radio. Je ne connais pas. Putain, okay. C'est... pas mal de dates, là, de concerts, et dont le week-end prochain, le 14 mai, vous serez chez Paulette, quand même inimitable, hein, qui a repris parce qu'il y a eu un petit arrêt, je crois, pendant ouais, un moment. Petit souci, ouais. Administratif. Petit souci, hein, ok, metal, crossover metal, mélodique crossover metal. C'est ça. C'est de la branlette. Bah, vu que tu connais déjà pas les Sex Pistols, je ne m'aime pas du tout. Tu me dis d'être prêt à des choses pareilles. Tu sais. Oui, tu allez, petit, petit élément, petite explication quand même. Bon, metal, les auditeurs connaissent un peu plus ou moins. Mélodique, parce que bah, c'est mélodique. Et crossover, fusion, mélange. Alors, le terme fusion n'existe plus. C'est important à signaler. Nous, on ne l'utilise plus. On nous a fortement conseillé de ne pas le faire. Des professionnels nous ont fortement conseillé de ne pas le faire. Okay. Donc, on est resté sur un crossover qui est un peu l'ADN du groupe depuis le début. Le croisement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, avec des encarts sur d'autres. Ils se sont croisés, ils se sont serrés la main. Donc, avec toujours. Des encarts sur d'autres styles ou peut-être d'autres. C'est ça. Bah, tu prends, voilà, genre PME, Post-Mortem Experience. Okay. Excusez-moi, je suis France Linkling. Je sais pas très bien français. Oui, je sais. Attention. Attention. Et en fait, c'est un morceau qui est plus typé death. Okay. Mais comme après, on peut partir sur une Purity, qui est vraiment le morceau vraiment très mélodique. Okay. Notre ami qui fait genre aussi un sur Death to the Rotten, le morceau aussi éponyme de l'album, rappé. Ok. Voilà. Et plus typé hardcore, ouais. Rap hardcore, sinon rap hardcore, on va avoir on va avoir style Blood Moon et Aborted qu'on écoutera, qui sont plus orientés thrash hardcore. Ça reste quand même un peu hardcore tout ça. C'est bien. Ouais, voilà. C'est bien. C'est ce que j'aime depuis un moment et je suis content de l'avoir convié au monde du hardcore. Délire. Parce que moi, le hardcore, c'est vraiment mon style de prédilection. Et à force. Ça paye. Voilà. C'est tout. Ah, ok. Alors, chers auditeurs, on écoute toujours trois musiques dans l'émission. Et je tiens à vous dire qu'on a frôlé la catastrophe puisque j'avais pas le mail, j'avais pas les morceaux. Donc, on me les a renvoyés avant l'enregistrement de l'émission parce que sinon, l'émission aurait été aborted. Oh. Pareil, encore une fois. Allez. Bravo. Merci. Round of applause. Merci, Johnny. Avorté, évidemment. Alors, de quoi parle aborted? Alors Aborted, ça va être, c'est un morceau qui est très très fort pour moi parce qu'en fait c'est un peu à l'effigie de tout cet album. C'est vraiment, je dénonce, mais vraiment de manière ouverte, des faits de société qui m'exaspèrent et que j'ai pas peur de mettre en avant. Le fait que pour moi une personne qui pratique le V ne prend que 6 mois de sursis dans la plupart du temps, moi ça m'exaspère, alors que un petit voleur de supermarché va prendre 2 ans, moi ça me détruit. Le fait qu'on est livré à nous-mêmes, qu'il n'y a personne pour nous aider contrairement à ce qu'on peut penser, tout ça me saoule. Il n'y a plus aucune voilà, ça je l'avais préparé, il n'y a plus aucune méritocratie, ce qui est fortement désolant. Parce que dans tout milieu, la méritocratie n'existe plus, alors que forcément, ça serait peut-être mieux de mettre en avant des personnes qui le méritent plutôt que faire marcher le piston, etc. Bien que de temps en temps, c'est bien, mais pas tout le temps. Donc voilà, nous sommes les enfants avortés de la société. Eh bien, on écoute ça tout de suite, cet enfant, et on le monte. C'est du metal, Aborted, Coming Wolves. Thank you. Coming Wolves, Subordinate sur Fadjet dans Couleur Locale. Vous écoutez Couleur Locale. J'ai laissé l'espace. J'adore ce Couleur Locale. Vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet. Un ancien 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+. Nous sommes avec les Coming Wolves, un groupe de Melody Crossover Metal. Et vous êtes bien restés ici. Si vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, elle sera disponible sur mon Spotify, Pierre Machel. Pierre Machel. Yeah. Yeah. Radio Fadjet sur du coup, Spotify jusqu'à la fin des temps. D'internet, tout du moins. Ou de Spotify, on a écouté Aborted, avec l'accent super, issu de l'album Death to the Rotten, qui est disponible sur Spotify, Deezer, Bandcamp et toutes les crémières, et pas SoundCloud encore, peut-être bientôt. Après SoundCloud, aujourd'hui, c'est pas... C'est... Il n'y a pas grand monde qui l'utilise, mais c'est une bonne plateforme gratuite. C'est vrai que c'est... C'est encore gratuit SoundCloud, il me semble. Il y a une version gratuite. Bon, tu manges des pubs à volonté, bah, un peu comme toutes les versions des streaming. Et aussi, du coup, j'avais pas dit YouTube. Et évidemment. YouTube, effectivement. Parce qu'on a un éditeur qui dit direct mets tout sur YouTube. On a aussi des clips. Il y a des clips, sur YouTube. On a sorti, pour cet album-là, on a sorti 3 clips. Deux avant et un après. Et il y en a encore un qui arrive normalement, qui va pas tarder à être sorti au moment où l'émission sera en. Sera en direct. Ok. Parce que ça sera dans ces moments-là. Mmh. On avait vu autour de la date de chez Paulette qu'on allait le diffuser. Oui. Donc le 14 mai, la semaine prochaine, c'est pour ça. Ceux qui écoutent l'émission. T'es exclu. Au moment où on la diffuse. Hein, c'est exclu. Bon, c'est vraiment une exclusivité. Hein, oui, tout est fini. Pour Radio Fadjet. Radio. Pardon. Pardon, excusez-moi. Et 14 mai, en plus, c'est rigolo, c'est même pas un week-end. Vous mais non, c'est jeudi. C'est jeudi de l'Ascension. Jeudi de l'Ascension. Exactement. Mais le... c'est un choix, ma foi, c'est un choix. C'est ça. En espérant qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent le pont le vendredi pour pouvoir vous permettre d'avoir. Après, c'est ce qui pourrait être, ce qui est important aussi, et ça, c'est un détail qu'il faut quand même bien mettre en avant. Oui. C'est que Nashville Pussy a seulement 4 dates en France. Ouais. Donc une chez Paulette. C'est une première partie. Oui. Non. Nashville Pussy est tête d'affiche. Ah. Nous, une première partie. Okay. Avec Lexing aussi. Ok, donc c'est vraiment grosse soirée, métal, quoi. C'est des groupes qui sont dans la même vibe ou ça se complète un peu? Non. C'est rock'n'roll, des années 2000. C'était avec Jackass à l'époque. Souvent, dans les films, ils y sont. Lexing, c'est plus Metal Indus. Et puis nous, on est en plein milieu. On jouera juste avant Nashville Pussy. Après, à l'heure où on enregistre cette émission, on est quasiment, on est à un tiers des places vendues, déjà. Okay. En pré-vente. Donc on sait pas où on en sera au moment où ça sera diffusé, mais en tout cas c'est un très bon début. C'est toujours étrange ces histoires d'enregistrement, diffusion. Ouais, voilà. Ouais, on s'y perd un peu. On s'y perd un peu, mais aussi ce qui est bon à noter, ce qui est important de noter, c'est que la dernière fois que Nashville Pussy sont venus dans le coin, vraiment dans le coin, c'était au Gueulard Plus à Nilvange. Ouais. C'était en 2022, parce qu'on était en train d'enregistrer notre album, donc 4 ans. Et pour faire le comparatif, c'était 35€ la place pour 2 groupes. Ok. Et c'était sold out. Donc là, je me dis, c'est 20€ la place pour 3 groupes. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Donc viens. Le 14 mai, chez Paulette, soirée concert rock and roll metal avec les Coming Wolves. Je vous propose de repartir en musique puisqu'on a quand même des musiques d'une durée un peu. 4 minutes standard. Standard, 4 minutes, 5 minutes 14 pour la dernière. Alors, on va écouter Death to the Rotten. Savais-tu, mon cher Alain, que Rotten. Attention. C'est le mec des Sex Pistols. C'est honteux. C'est honteux. Et les textes, c'est toi qui les écris Ouais. Principalement, on va dire 80% de l'album, c'est moi qui l'ai écrit, sauf il y a des exceptions comme Akatsuki. Ou Red Light. L'anecdote. Akatsuki, parce que je n'y connais rien en Naruto. Ah, okay. C'est lui le maestro. Ah, il m'a apporté le morceau qui s'appelait Akatsuki. Donc je lui ai dit, écoute, fais les paroles. On fonctionnait aussi comme ça à l'époque. C'est-à-dire, sur le premier album, il y avait 50-50 niveau des textes. Là, on a un peu plus évolué à 80-20 parce qu'il voulait, et moi aussi je voulais, avoir un peu plus carte blanche sur les textes et exprimer ce dont. Ce que j'avais envie. Et du coup, Death to the Rotten est, je pense, le texte le plus important pour moi, c'est parce qu'il est sorti déjà d'un trait, avec aussi une petite nouveauté en incorporant du rap, parce que avant d'être musicien métal, j'étais rappeur. Et en français aussi, pour que les gens comprennent bien le message que j'ai envie de passer. Donc j'en dis pas plus. Et bien on s'écoute ça tout de suite. Death to the Rotten Coming Wolves. L'humanité est en perdition, j'en perds mes mots. Arrête de me parler de superstition. J'ai perdu mon sang-froid. On veut l'entendre le poignet, mais ils veulent prendre tout le bras. Liberté, égalité, le monde s'en félicite. Mais divisé pour mieux régner, tu parles d'une réussite. Je mettrai une fleur sur leur sépulture. Death to the rotten. I don't give a damn about the thing you're saying. I don't give a damn, cause I'm the only one betraying. You can take my love, you can take my hate. You can take my soul and burn it to the just let me join. And in the midst those shadows away. You pay the price for the ones you betray. While you're sitting in the depth of guilt to stray. Pas de budget, nous aussi on peut bâtir notre propre empire. Libérer l'emprise, la désinformation est au cœur de tous les débats. Les prendre par surprise, au final on finira tous morts. No, you are with me, you say enough to speak. You say the world that you trust and be gone. And in the midst of shadows away. You pay the price for the ones you betray. While you're sitting in the depth. The Coming Wolf sur Fadjet dans Couleur Locale. Mais on dirait les deux minutes du peuple. Là, j'adore. Alors, je disais hors antenne, hein, quand les micros étaient coupés, que j'apprécie particulièrement les changements de rythme et d'univers. J'aime bien quand il se passe des trucs dans la musique, quoi. Quand c'est pas juste 5 minutes de... Tu vois, j'ai fait mes tours, on va faire des conneries comme ça. Bah ça, c'est la base de tout, en fait. La base de tout. Voilà, le côté crossover avec le rap. Bah c'est, en fait, c'est ça. C'est en fait, quand j'ai lancé le projet, ouais, quand je l'ai expliqué à mon ami qui est en face. Jimmy. Et que... Oui. C'est qui? Allô. Que c'était vraiment ce que je voulais. En fait, je sais que je suis un peu difficile en musique, mais le côté où si j'écoute un album pendant, voilà, avec 10 titres où c'est à chaque fois la même chose, je m'ennuie très vite. Tu m'étonnes. Voilà. Et en fait, du coup, c'était vraiment une... Bah, en fait, quand je prends des exemples comme Muse ou... Ah, c'est pareil, ouais. Bah justement non, tu vois, avec les premiers albums de Muse, tain, ça changeait tellement. En fait j'étais à chaque fois surpris et je trouvais ça génial et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de partir sur un concept où justement c'est pas genre on fait que du brutal death ou on fait du black ou on fait du hardcore ou machin. Un peu de tout quoi. Un peu de tout et les gens sur 10 titres ils peuvent se dire ouais non celui-là me saoule mais par contre celui-là j'aime bien. Il y en aura toujours un qui ressortira donc je me dis c'est quand même une petite victoire. Il y a un titre pour tout le monde quoi. En gros, voilà. Même si quelqu'un il n'aime pas globalement. On est multinational voilà c'est vrai, pour faire simple. Multinational comme une Wolves sur Fadjet dans Couleur Locale. On vous retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On est avec Jimmy. Oui, c'est moi. Chant vocal, écriture 80-20, loi de Pareto, on apprécie. et basse, mais en enregistrement, pas sur scène, parce qu'il a un poil dans la main. Et nous sommes avec Alan, guitare lead et backup vocal pour backuper. Évidemment, on embrasse Axel au drums. No drums. Drums. Axel the Blue. Axel drums. Qui n'est pas là. Que tu as déjà reçu. J'ai eu un message avec un de ses anciens projets qui s'appelait SEAF. S-E-A-F. S-E-A-F. Pour nettoyer. L'acronyme de Scramble, Eggs and Fentanyl. Ah, ça devait. C'était du punk. Ouais, ça devait être il y a très très longtemps. Ils ont split il y a 2-3 ans. Ouais, ah, il y a 2 ans. Il y a très très longtemps. J'ai rien dit. C'est dont je ne pouvais pas parler. C'est un temps dans les moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Booking, Coming Wolves, COMINGWOLVES, @hotmail.com. Et une date chez Paulette. Made for 14th. The Ascension. Make it. On the Thursday of the Ascension. On va s'ascensionner en tout cas en soirée chez Paulette avec vous. Après, il y en a d'autres aussi sympas hein, que les gens n'hésitent pas à aller checker toutes les autres dates qu'on a. Il y a le Metal Hunting, faut pas oublier aussi. C'est rare qu'on ait un festoche comme ça dans le coin, c'est quand même super. Incroyable. Voilà, tu vois, sur deux jours. Non, ça, franchement, il y a bien, beaucoup de concerts. Ça va pas mal. Non, il y en a bien. On fait de la musique aussi, faut pas oublier. De la musique. Si on fêterait à Thionville, venez. À Thionville, quoi. C'est Thionville. Place to be après le Madison Square Garden de New York. Voilà, tu vois. C'est aussi simple que ça. 21h30, meilleur horaire pour jouer. Meilleur horaire pour jouer. Mais après, voilà. Ça va. Il y a de quoi en faire. La liste est longue et encore, on ne peut pas en parler. Il y en a encore qui vont arriver. Ouais, on peut pas en parler. Il y en a une qui est tombée, on n'a pas le droit de la dire. Voilà. Ok. Mais on peut dire que ça va secouer du cocotier, mon ami. Mais vous allez me la dire en off, dans tous les cas. Non. Non. On est sous contrat. Mec, qui connaissent pas Johnny Rotten, je parle pas avec eux. On est sous clause. Je suis désolé. Je suis la tristesse. À moins que tu sois prêt à pacter avec le diable. Je pacterai avec le diable. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Si vous ne me dites pas cette date en toute confidence, je ne serai plus votre ami, mais je vais devenir votre némésis. Oh, bravo. Alors là, bravo, allez. Alors, bravo. C'est rigolo parce que Némésis, c'est le nom du morceau qu'on va écouter. Ah oui, jure. Oh, un truc de ouf. Merci les Coming Wolf. Merci à toi, comme toujours évidemment. Sympa, toujours un bon moment. Hors antenne, on a dit qu'il y avait peut-être un petit troisième album qui était déjà un peu dans le. Voilà. Il est dans le four. C'est ça, voilà. On a annulé le four. Annulé. Voilà. On a affourmé le C'est ça. Voilà. Pourquoi? Voilà. C'est dans les petits papiers. On va déjà profiter de cet album, Death to the Rotten, qui est disponible sur toutes les plateformes. On vous suit sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, le 14 mai chez Paulette. Et puis, toutes les dates à venir, celles qui sont annoncées et celles qui ne le sont pas. On a hâte de savoir. C'était Jimmy et Alan des Coming Wolves. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et à bientôt sur Fadjet dans Couleur Locale, le podcast dimanche à 18h sur mon Spotify. Némésis des Coming Wolves, issu de l'album Death to the Rotten.